Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. La nuit rêvée de Jane Evelyn Atwood. Bonsoir Jane Evelyn Atwood. Bonsoir Alban Penaranda. Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 6h30 du matin. Au fil des heures de votre nuit rêvée, les auditeurs et auditrices vont entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, nous écouterons l'écrivain américain James Baldwin, une émission consacrée à la photographe Diane Arbus, et Odile Conversé nous parler de son expérience de cinéma de non-voyante. Puis, au programme de la seconde partie, Daniel Defer revient sur sa vie de militant, le journaliste-écrivain Richard Kapuscinski et enfin le romancier et poète haïtien Lionel Trouillot. Jane Evelyn Atwood, avec les archives que vous avez choisies pour votre nuit rêvée, nous allons refaire, en votre compagnie, les voyages, les expériences, quelques-unes des rencontres qui ont marqué votre vie de photographe. Une seule nuit ne pourra suffire à rendre compte de la richesse du travail que vous menez depuis le temps où, jeune américaine, exilée à Paris à l'aube des années 70, vous vous êtes lancée, sans aucune expérience, dans un projet photographique extraordinairement difficile. C'était dans un hôtel de passe de la rue des Lombards, nous y reviendrons. Ce que vous avez réalisé alors justifierait à lui seul que l'on vous range parmi les très grands photographes de notre temps. Humainement, artistiquement, la réussite était totale. Il y a quelques années, une magnifique réédition de ses photographies nous le rappelait. Vous appliquant à nous montrer ce que l'on ne veut pas toujours voir, vous poursuivez, depuis, votre chemin sur cette terre. Le Darfour, Haïti, les prisons de femmes, les ravages des mines antipersonnelles, les aveugles, les soldats de la Légion étrangère, le sida. Inlassablement, vos photographies nous rappellent que nous sommes de ce monde qui n'est pas une idée, mais la réalité vécue par des êtres humains. Un seul et même monde. Regardant vos photographies, Jane Evelyn Atwood, nous nous demandons à quoi tient leur puissance émotionnelle, leur rigueur morale et esthétique. Selon vous, est-ce que cela tient à votre propre conscience d'appartenir à ce monde à l'instant où vous le photographiez ? Je ne sais pas. J'ai envie de connaître ces gens, c'est pour cela que je les approche pour les photographier. Et au fait, le prétexte de les photographier, c'est une façon pour moi de les connaître. Et dans votre travail, vous dites que vous cherchez à capter la dignité humaine d'une personne et que si une photo ne rend pas cette dignité, vous la supprimez, Jane Evelyn Atwood. Oui, mais quand je suis sur un sujet, je ne dis pas « Oh, je vais capter la dignité humaine de cette personne ». Ça vient de l'intérieur de moi, ça vient automatiquement, je pense, et naturellement. Je cherche le cœur de la personne ou de le groupe de gens que je suis en train de photographier. Plus tard, quand je fais le choix des photos, quand je fais ce qu'on appelle « editing », le choix des photos, c'est vrai que je peux enlever une photo ou des photos qui pour moi, enlèvent la dignité humaine de la personne. Et je peux faire ça parce que je pense que ça fait partie du photographe que je suis, de ne pas descendre les gens que je photographie en les faire paraître... moins que, peut-être, je dirais comme ça. Jane Evelyn Atwood, vous avez choisi d'ouvrir le programme de cette nuit avec James Baldwin. Nous le retrouverons au micro de Jean Dève en 1987, quelques mois avant sa disparition, dans la première d'une série de 5 émissions intitulée « Je m'appelle James Baldwin ». Pourquoi avoir choisi James Baldwin ? Ah, j'ai choisi James Baldwin parce que je l'adorais et j'ai eu le grand honneur et joie de le rencontrer quand j'étais toute jeune, quand j'étais personne. Il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les universités, on enseignait James Baldwin quand j'étais étudiant. Et pour tous de nous qui lisaient ses livres, il était un héros. J'ai fait des photos de lui sporadiquement, pas avec l'idée de faire un sujet sur lui, ni rien de tout comme ça. J'ai quelques bonnes photos de lui parce que j'ai eu le privilège de traîner avec lui très tard la nuit dans les bars, chez Castel aussi, au Nuage, qui était une boîte de nuit pour les transsexuels. C'était vraiment un temps magique et j'ai des photos de ça. Habituellement, vous photographiez des inconnus. Photographier quelqu'un de célèbre, en quoi est-ce différent? Well, James Baldwin, c'était pas différent dans le sens que, comme je vous ai dit, c'était pas un sujet. C'était une rencontre magique et privilégiée. Et je l'ai photographié comme quelqu'un que j'aimais. C'était pas un sujet en profondeur. C'était pas un sujet avec lequel j'espérais de faire un livre, ni rien de tout comme ça. Est-ce que quand on photographie un écrivain, on photographie aussi son œuvre? Il est son œuvre. Pour moi, il est son œuvre et j'oublierai jamais le jour que mon meilleur ami, Larry, m'a téléphoné et il m'a dit « Vous n'allez pas croire qui je sculpte en ce moment. » Larry qui était aux Beaux-Arts et qui faisait de la sculpture. Et j'ai dit « Non, qui ?» Et il a dit « James Baldwin ». J'ai dit « C'est pas vrai ». Et il m'a dit oui, et il a dit que tu peux venir avec ton appareil, tu peux lui prendre en photo. Et je crois que j'avais même pas commencé les prostituées à ce moment-là. Évidemment, je suis allée, c'était dans l'hôtel où Jimmy, comme tout le monde qui est proche à lui, l'appelait, où Jimmy est descendu à Paris parce qu'il vivait à Saint-Paul-de-Vence et souvent il était à Paris. Et Larry était bien et belle en train de le sculpter. Et moi, j'ai fait une série de photos de ces séances artistiques où Jimmy posait. Et il a fait sa tête. Et sa tête est exactement comme la tête de James Baldwin. J'ai fait quelques portraits aussi. J'étais très nerveuse au début parce que c'était quand même un icône pour moi. Mais il était tellement... tellement ouverte et tellement gentille et tellement généreuse que j'ai vite oublié c'était quelqu'un de très très connu. Hein. C'était quelqu'un qui était absolument passionnant à écouter. Il avait une voix extraordinaire. Il racontait toujours des choses extrêmement intéressantes. Et je dois dire, avec tout ce qui se passe dans le monde depuis sa mort, il n'y a pas un jour qui passe où je pense... Merde, c'est dommage que Jimmy n'est pas là. Je voudrais bien lui poser une question sur ça, ça ou ça. Il y a une photo fameuse que vous avez faite de James Baldwin avec son frère, tous deux qui rient aux éclats. Les photographies de lui traduisent souvent une personnalité joyeuse, une joie enfantine. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez perçu? Souvent, il était comme ça. Il avait beaucoup d'humour. Oui, vraiment beaucoup d'humour. Il était très proche à son frère, David. David, c'était son bras droit. Ils étaient souvent ensemble et c'était une complicité de frère et un amour de frère. Jimmy parlait des choses très graves souvent, mais à cause de son humour, il pouvait faire une blague en même temps. Il était extraordinaire. Dans votre travail, qu'est-ce qui vous rapproche de lui, Jane Evelyn Atwood? Dans mon travail... Well, j'allais dire son engagement, mais au fait, quand il commençait, quand il était tout jeune, c'est intéressant parce qu'il est, on a des trucs en commun. Et il a quitté les États-Unis à l'âge de 24 ans, moi aussi. Il était créateur, moi aussi. Il venait du Sud, au fait. Ma grand-mère venait du sud des États-Unis, de la Nouvelle-Orléans. Ses ancêtres étaient des esclaves, il m'a dit. Je ne sais pas si mes ancêtres avaient des esclaves, mais s'ils étaient riches, ils avaient certainement les esclaves, parce que c'est comme ça se passait dans le sud avec les gens blanches à l'époque. Et voilà que toutes ces années après, on se retrouvait dans un hôtel à Paris. Et je pouvais le photographier. Il voulait pas, à l'époque, quand il a quitté les États-Unis, il voulait pas être considéré comme une icône. C'était pas du tout son truc. D'ailleurs, il a quitté les États-Unis pour pouvoir travailler, pour pouvoir écrire. Et je pense que moi, j'ai fait la même chose sans savoir ça. Parce qu'au début, j'étais complètement bloquée dans la créativité et il m'a fallu les 9 ans de psychanalyse qui a débloqué cette créativité. Et après ça, j'ai commencé la photo. Mais Jimmy, quand il était déjà hyper connu, il est devenu une sorte de star très vite, parce qu'il était tellement bon. Et il a été mis sur un pédestal par les gens. Et eux, ils voulaient le mettre dans une case d'écrivain noir et peut-être dans une case de gay, homosexuel aussi. Et ça, c'était longtemps avant gay rights et tout ça. Et Jimmy ne voulait rien de ça. Il voulait être considéré comme écrivain tout court. D'ailleurs, quand il a écrit le livre La Chambre de Giovanni, qui était un de ses livres le plus beau, à mon avis, tous les caractères sont blancs. Et il nous a dit, à moi et Larry, qu'il a fait exprès ça pour que les gens ne pouvaient pas dire que c'était un écrivain noir qui écrivait cette histoire. Après, bon, quand il vivait ici en France des années et des années, finalement, il est rentré aux États-Unis parce qu'il se sentait obligé avec ce qui s'est passé avec le Civil Rights Movement. Et c'est à ce moment-là qu'il marchait dans les rues avec Marlon Brando, avec Robert Kennedy aussi. Il a fait ce qu'il pensait était nécessaire à faire. D'ailleurs, donc, il fut un acteur important dans sa vie et par son œuvre, donc, de cette histoire de la lutte pour les droits civiques contre la ségrégation raciale. Vous avez vous-même grandi dans une Amérique ségrégationniste. Comment avez-vous perçu, vécu cette époque? Quelle conscience, quelle perception aviez-vous, enfant, adolescente, de ces questions, Jane Evelyn Atwood? Yeah, c'était très important pour moi dans ma vie et je regrette que j'ai pas beaucoup de mémoire maintenant parce que c'était plein de choses. Bien que j'étais née à New York, 2 ou 3 ans après, on est allé dans le Tennessee où j'ai habité 8 ou 9 ans. Et c'était un Tennessee qui était ségrégué. Tous les écoles où moi et mon frère et ma sœur est allé étaient que pour les blancs. Et je me souviens quand tous les étés, on est allé à Cape Cod où mon père était scientifique dans un laboratoire. Et quand on a traversé les États-Unis, je me souvenais d'avoir vu des prisonniers hommes attachés aux chevilles avec la chain gang qui travaillaient dans les champs avec le coton. Ça, c'était une vision que j'ai dans ma tête toujours. Je me souviens d'avoir vu ça à travers le vitre de la voiture, hein, cette image-là. Et après, quand on a quitté le Tennessee, mes parents nous expliquaient, parce qu'on allait à Chicago, il nous a expliqué qu'on allait être dans une école où il y aura des enfants noirs. Et quand on a quitté le Tennessee, on avait une femme de ménage qui était absolument géniale. Elle avait un très beau nom du Sud, c'était Georgia May. C'est un très bel nom. Et elle adorait la science, mais elle n'était pas très éduquée. Et elle n'allait jamais pouvoir être éduquée si elle était restée au Tennessee. Et mes parents l'a ramenée avec nous à Chicago. Et de là, elle a fait des études et mon père lui a trouvé un travail dans un laboratoire. Et je me souviens, cette école où j'étais à Chicago aussi, c'était une école très haute académiquement et ça faisait partie de l'Université de Chicago. Ça s'appelle le Lab School, ça existe toujours. Et ça coûtait cher pour les gens, mais c'était gratuit pour les enfants des profs de l'Université de Chicago. Alors pour nous, c'était gratuit. Et dans cette école, il y avait pas mal d'enfants noirs. Il y avait le fils de Joe Louis, qui était le champion de boxe. Et ça, c'était mon premier coup de foudre. C'était pour Joe Louis Barrow Jr., un petit garçon que j'ai tombé amoureuse de lui quand j'avais, I don't know, 12 ans. C'était une grande amie à moi. Voilà. Partout aux États-Unis, le problème racial se développe. 44 arrestations à Plaquemine, en Louisiane. Des Noirs protestaient contre la ségrégation d'un restaurant. En Caroline du Sud, plutôt que de déségréguer les parcs publics, l'État les a fait fermer. Dans le Missouri, à Saint-Louis, le NAACP intente un procès à un établissement qui refuse des écoliers noirs. À Chicago, dans l'Illinois, les protestations, les manifestations continuent contre la ségrégation et dans ce cas particulier, la construction d'une école réservée uniquement aux Noirs. jusque dans le Michigan à Ann Arbor, où des manifestants protestent contre la ségrégation faite par les entreprises de construction concernant les emplois. À New York, les manifestations ont cessé depuis l'accord réalisé récemment par le Bureau d'emploi municipal et le NAACP. Désormais, dans l'État, les emplois pourront être distribués, ceci sans préjudice. Il n'est pas une seule journée aux États-Unis où le problème racial ne soit évoqué. Pas une seule journée où il n'y ait des manifestations, des arrestations ou des protestations. Je vous rappelle que c'est dans une semaine qu'aura lieu cette grande manifestation à l'échelle nationale qui se promet d'être gigantesque, le 28 à Washington, la marche pour la liberté. Ici New York, à vous Paris. Nous venons d'entendre Robert Sézé dans Interactualité du 21 août 1963. C'était il y a plus d'un demi-siècle. Selon vous, sur la question raciale, sur les problèmes sociaux, en quoi l'Amérique d'aujourd'hui est-elle différente de celle de votre enfance ? En 87 déjà, Baldwin disait que les villes étaient encore plus dangereuses que dans sa jeunesse. Ça s'est pas arrangé aux États-Unis, malheureusement. Il y a toujours beaucoup de racisme. On voit ça avec ce qui se passe avec les polices qui sont complètement irrationnelles avec les Noirs maintenant. Il y a quand même beaucoup de préjugés. C'est curieux parce que c'est, il y a beaucoup de progrès qui a été fait aussi. Il y a une moyenne classe de Noirs qui est très riche, qui est éduquée, qui n'était pas le cas avant. Mais l'idée du racisme, le racisme semble être toujours dans la tête de pas mal de gens. Baldwin disait aussi, toujours dans cette série d'entretiens avec Jean Dev en 1987, dont les auditeurs pourront écouter la suite la nuit prochaine et le dimanche suivant, « Le problème noir n'est pas un problème américain mais mondial. Il semble qu'il avait vu juste, même si la nature des problèmes n'est pas la même partout. » Jane Evelyn Atwood. Oui, je crois que c'est vrai. C'est absolument vrai. On accepte d'autres gens différents plus facilement qu'on accepte une personne qui a la peau noire. En vivant en France, James Baldwin dit avoir été libéré du mythe des États-Unis comme seul pays raciste au monde. C'est connu que en France, les chanteurs, les musiciens, Louis, les écrivains étaient acceptés ici quand ils étaient noirs. Or, aux États-Unis, ces mêmes gens étaient interdits de rester dans les hôtels. Ils jouaient sur les scènes peut-être, et encore, pas toujours, mais il fallait qu'ils soient casés dans les hôtels qui étaient que pour les noirs. Mais c'est absolument invraisemblable. Ici, en France, ces gens étaient libres. Et que représente aujourd'hui aux États-Unis la figure de James Baldwin ? Est-il encore lu ? Alors, ça c'est une question un peu chargée en ce moment même, parce que pendant un moment, il était oublié. Il y a beaucoup de gens jeunes qui ne savaient pas qui était James Baldwin. Ça me rendait triste quand j'entendais ça. Et maintenant, parce qu'il y a ce nouveau film qui est sorti en mai, que j'ai pas encore vu, il y a beaucoup d'articles sur Baldwin, beaucoup de conférences sur Baldwin. Il est vraiment complètement dans le vent. Et au début, j'étais très contente. Je me suis dit, voilà, les gens vont reconnaître James Baldwin. Et j'étais triste qu'il n'était pas là pour vivre ça. Et après, quand j'ai vu tous les trucs qui s'est passé, j'ai commencé d'avoir une sorte de rejet parce que, encore une fois, voilà, il est récupéré par tous ses pouvoirs. Les mêmes pouvoirs qu'à l'époque disaient « Oh, Baldwin est toujours en colère, c'est des gens qui ont jamais pardonné pour avoir quitté les États-Unis et choisi de vivre en France. Ils en voulaient pour ça, ils disaient qu'il était toujours en colère et que les autres amis à lui étaient beaucoup mieux, etc. » Il était en colère parce qu'il y avait de quoi être en colère. Et il a jamais cédé d'être complètement engagé et de dire des choses importantes et intelligentes sur le problème de race aux États-Unis. C'est pour ça les gens qui avaient le pouvoir l'en voulaient. Hein. Et maintenant, il y a une sorte de récupération de lui. Ça m'énerve un peu. Jane Evelyn Atwood, avec l'archive qui suivra, on retourne dans l'Amérique des années 60 avec un documentaire de Olivier Kaplan consacré à la photographe Diane Arbus. On peut peut-être rappeler qui elle était. Diane Arbus était un des plus grandes photographes qui a jamais vécu, à mon avis. Malheureusement, elle est connue pour 61 photos seulement parce que elle n'a pas vécu très longtemps. Elle s'est suicidée. Elle avait la quarantaine, je crois, quand elle s'est suicidée. Elle vivait à New York. Elle était d'abord, elle travaillait avec son mari, Alan Arbus, et ils étaient tous les deux photographes de mode. Ils avaient énormément de commandes pour beaucoup de magazines, et finalement, elle a arrêté de faire ça parce qu'elle voulait plus. Elle voulait faire son propre travail à elle. Diane Arbus est connue pour les photos qui sont des gens qui vivent en marge de la société, un peu, ou bien, et je trouve ça c'est plus intéressant sur Diane Arbus, des gens tout à fait normaux, entre guillemets, mais en qui elle a vu quelque chose d'étrange. Et elle-même, elle disait qu'elle avait l'impression que si elle n'avait pas vu ces choses étranges et si elle n'avait pas photographié ces gens, les autres n'auraient jamais vu ça. Je pense que c'est vrai. Mais c'était une jeune femme qui était très perturbée. Moi, je n'ai jamais eu le privilège de connaître Diane Arbus, mais j'ai connu son prof, Lise Model, et qui était elle-même un photographe très important. Et quand je l'ai rencontrée, j'avais commencé la photographie, j'avais eu le prix Eugène Smith, et l'International Centre de Photographie à New York m'a donné une exposition. Et à l'époque, Cornel Kappa était le directeur, le fondateur de ce musée, et il était toujours vivant. Et il a dit que Lisette Model voulait me rencontrer. Et parce que j'étais fasciné par Diane Arbus, et si j'ai fait de la photo, c'était grâce à Diane Arbus. Et au début, quand j'ai vu ces photos, c'était pas pour les photos. Je suis allé avec ma sœur à son exposition parce qu'elle avait... Elle s'était suicidée. Et nous, on avait eu une suicide dans notre famille qui était extrêmement bouleversant. Et on est allé à cette expo pour voir la femme qui s'est suicidée et qui avait fait ces photos-là. Moi, j'ai voulu savoir qui c'était qui avait choisi à ne plus vivre. C'est ça qui m'a intrigué. Mais les photos, et surtout les gens dans les photos, m'ont jamais quitté. Des années après, quand j'exposais à ICP à New York et Cornel Kappa a organisé la rencontre avec Lisette Model, l'expo était fermée et ouverte juste pour nous. Elle est venue et c'était un très grand moment pour moi. J'étais très timide, je connaissais pas grand monde dans la photographie. Et elle avançait devant les images. De temps en temps, elle faisait un commentaire. Et je me souviens quand elle arrivait devant une des photos des prostituées. Il y a une photo de Blondine qui est en train de faire un client. Elle est en train de le fouetter. Il a une cagoule dans la tête, sur la tête, et il est à genoux. Et Blondine le fouette avec un énorme truc. Et Lisette Model arrêtait devant cette photo. Elle a regardé en silence. Et elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? What is that? Et moi, j'étais complètement intimidée. J'ai pensé, oh, elle doit être choquée par la photo. Je savais pas quoi elle pouvait penser. Et j'ai commencé à essayer d'expliquer littéralement qu'est-ce que c'était. J'ai commencé à dire, bah, c'est un homme. Well, that's a man. Et elle m'a coupé net. Et elle m'a dit, that's what he thinks. C'est ce que lui, il pense. Comme ça. C'était vraiment très, très drôle. Et elle a fini le reste de l'exposition. Et après, on est allé dans un bar et on a bu du vin blanc. Et on a parlé pendant des heures et on a parlé que de Diane Arbus. Et à un moment donné, elle a dit quelque chose qui était pour moi d'une extrême importance. Parce que j'étais en train de m'identifier totalement avec Diane Arbus. Bien que j'étais en psychanalyse toujours à ce moment-là. Et Lisette Model a dit, vous savez, Diane était une jeune femme très malade. Vous n'avez pas besoin d'être malade comme elle pour faire des photos que vous faites. Et ça m'a libéré. C'était génial qu'elle m'avait dit ça. C'était très important pour le reste de ma vie, pour le reste de ma vie, de moi et de ma photographie. Est-ce que vous appartenez l'une et l'autre à la même famille de photographes? La même famille, qu'est-ce que c'est cette famille? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette famille. Moi, je pense que je suis une photographe, elle aussi c'était une photographe. J'aime pas les étiquettes, j'aime pas être considérée comme un photographe humaniste ou un photographe photojournaliste ou un photographe qui fait des portraits ou tout ça. Ou une photographe femme. Ou une femme photographe, j'ai horreur de ça. Je suis photographe et tous mes sujets, chaque sujet va dicter comment j'approche ce sujet et comment je vais faire ce sujet. C'est vrai que deux ou trois grands livres de moi, les prisons, sentinelles avec les minorités personnelles, pour nommer deux, étaient du pur photojournalisme, ça c'est vrai. Mais la prostitution, rue des Lombards, aussi Haïti, Haïti était du pur photographie de la rue. J'ai pas connu les gens dans ce livre. Je les photographiais à la va-vite dans la rue. C'était une vraie photographie de rue. Et donc, chaque sujet va dicter comment j'approche le sujet. C'est un choix. On ne dit pas qu'on entre dans la prostitution allègrement, comme ça, comme on valse, n'est-ce pas, comme on entre dans la danse. Non, c'est souvent des contraintes économiques qui vous obligent à adopter cette solution qu'on imagine peut-être transitoire. Et ensuite, c'est justement la liberté de pouvoir dire « j'arrête » ou « je continue ». Mais il faut savoir qu'on ne doit en aucun cas tomber sous la dépendance de qui que ce soit et de quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Moi, je suis plutôt un peu désolée du manque de tolérance et de générosité des gens qui nous jugent. Je me dis, ils n'ont rien compris. Sont-ils plus heureux que nous ? C'est à voir. Ils le croient, bien entendu. Vous comprenez, et surtout de la part des femmes, ça fait souvent mal au cœur de voir les regards qu'on nous jette. Seulement, elles ne peuvent en aucun cas s'identifier à nous. Et on le leur a déjà interdit depuis toujours. Alors, les préjugés sont tellement forts, tellement incrustés, qu'elles n'arrivent pas à les dépasser, à les faire sauter. Donc, elles sont elles-mêmes prisonnières de leurs préjugés. Et nous, nous avons transgressé les tabous, une fois pour toutes. On ne peut pas revenir en arrière. Mais nous serons toujours jugés que nous soyons prostituées ou anciennes prostituées. Eh bien, c'est pareil. On nous regarde de la même façon comme si nous avions une tache quelque part, que nous n'étions pas complètement blanches. Il faut résister surtout avec le corps, hein. Et il faut combattre avec l'esprit. Parce que je vois beaucoup plus loin que le fait de se prostituer. Il faut démystifier les choses jusqu'à la racine. Pourquoi la prostitution existe-t-elle ? Eh bien, c'est que la sexualité ne marche pas comme sur des roulettes pour tout le monde. Nous venons d'entendre Griselidis Réal dans un montage d'entretien extrait de « Je suis putain », un atelier de création radiophonique de Gérald Kurdian de 2006. Vous teniez à entendre la voix de Griselidis Réal, Jane-Evelyn Atwood. Ah, tout à fait, c'était une femme absolument géniale, avec une grande intelligence, une grande humanité, une grande générosité. J'ai jamais rencontré une femme comme ça, je dois dire. J'ai eu la chance, aussi quand j'étais très très jeune, j'ai exposé mes prostituées à Genève. Et elle était en Suisse, et on l'a invitée au vernissage. Elle est venue avec d'autres prostituées. Et après, le lendemain, je suis passé chez elle et j'ai passé un après-midi avec elle. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle venait de dire dans cette petite interview. Vous arrivez à Paris en 1971, vous n'étiez pas encore photographe, vous ne le deviendrez que 5 ans plus tard, rue des Lombards, en rencontrant Blondine. Qui était Blondine ? Blondine, c'était peut-être la personne, une des personnes les plus importantes dans ma vie de photographe, parce que c'était avec elle que tout a commencé. C'était une prostituée un peu notoire, extrêmement belle quand je l'ai connue au début. Elle travaillait dans un immeuble 19 rue des Lombards. Elle travaillait depuis l'âge de 18 ans sur le tapin. Elle était élevée dans un couvent. Et c'est très curieux parce que elle adorait Marilyn Monroe. Et elle pensait que pour être comme Marilyn Monroe, il fallait être pute. Donc elle a compris à un niveau complètement basique que Marilyn Monroe était une sorte de prostituée, hein, que nous avons fabriquée d'ailleurs. Et donc, quand elle est sortie de ce couvent avec les nonnes qui étaient très très dures et tout ça à l'âge de 18 ans, elle s'est mise à se prostituer. elle a eu une histoire, des années très très dures où elle était maquée avec les Jules et tout ça. Elle travaillait à Barbès, 150 hommes par jour. Elle a travaillé dans les bas-fonds de la prostitution, toujours. Une vraie prostitution de la rue. C'était pas des call girls haute classe. C'était pas Madame Claude, hein. C'était vraiment très, très bas. Et finalement, parce qu'elle était intelligente et parce qu'elle était tellement outrageuse, elle a fini rue des Lombards où elle a pu travailler indépendamment. Elle avait pas de proxénète. Les proxénètes ne pouvaient pas le contrôler. J'ai rencontré deux ou trois de ces anciennes proxénètes qui l'aimaient toujours, mais qui l'a dit, elle est incontrôlable, mais pour moi, c'est comme une sœur, c'est comme une mère, c'est comme une femme, alors je le laisse. Et elle était la seule dans l'immeuble où j'ai fait des photos qui n'était pas maquée, qui aurait compliqué notre relation sinon. Je les avais vues dans la rue parce que quand j'ai commencé la photo, j'avais un appareil qui a tombé en panne et le service après-vente de la FNAC était juste en face du 19 rue des Lombards. Et quand je suis allé, j'ai vu ces femmes dans la rue avec des nichons en l'air, avec les magnifiques fourrures, des bijoux, des maquillages, vraiment comme des stars. C'était magique pour moi et j'ai voulu les connaître. Et je savais pas comment je pouvais les connaître. Et quand j'ai commencé la photo, j'avais toujours les photos d'Ian Arbus dans ma tête. Et je me suis dit, je vais copier d'Ian Arbus parce que je l'admirais tant. Et je me suis dit, comment je vais trouver les gens comme ça? J'ai commencé à aller dans les vernissages de peinture, des galeries de peinture qui étaient tous les mardis soirs à Paris, où il y avait effectivement des gens très excentriques, habillés un peu excentriquement. Et j'ai pensé que j'allais trouver des gens intéressants dans les vernissages. Et au fait, ils étaient terriblement ennuyeux. Et j'étais très déçu, j'étais très naïf, bien sûr. Mais quand même, j'ai rencontré une femme dans un de ces vernissages qui m'a dit qu'elle connaissait une prostituée. Et quand elle a dit ça, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit, mais ramène-moi voir cette prostituée. Et le soir même, elle m'a ramené 19 rue des Lombards. Et c'est là où j'ai rencontré Blondine. Quand on est entré dans le couloir, c'était très crade, il y avait une ampoule nue, c'était tout ce qu'il y avait comme lumière, il y avait des femmes prostituées qui étaient debout sur les marches de l'escalier qui montaient, chacune plus belle que de celle avant ou après. Par terre, c'était vraiment sale, il y avait une odeur de pisse, il y avait des morceaux de cigarettes, les femmes écrasaient leurs cigarettes contre le mur. C'était sordide. J'avais peur, j'étais très impressionnée. Mais j'étais très, très excitée parce que je sentais que j'entrais dans un truc qui était interdit. Et ça, j'adorais ça. Et j'avais une seule envie, ça, c'était de faire des photos. Et après, on est allé en face pour boire du champagne. Et j'étais très timide, je parlais presque pas. Et à un moment donné, on était tous assises avec le champagne, que pour moi, c'était vraiment très chic. Blondine me regardait, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle a, la petite américaine? Elle est tellement silencieuse. Et elle m'a taquiné. Et je me souviens, j'étais gênée parce que j'ai pensé qu'elle a pensé que je l'aimais pas. Et au fait, c'était pas ça de tout. C'était juste que j'étais terriblement timide. Je parlais à peine français et j'étais silencieuse. Et après, quand je suis partie et je rentrais chez moi, je lui ai écrit une lettre. Et j'ai dit que j'ai voulu le photographier. Et d'ailleurs, ce lettre qui est très embarrassant maintenant, qui a été réécrit par un ami américain qui parlait pas très bien français non plus, il est publié dans le livre Rue des Lombards. Magnifiquement édité par Xavier Barral. Par Xavier Barral, oui, il a mis ce lettre là-dedans. Et Blondine, elle m'a téléphoné. Et elle m'a dit, reviens me voir. Et ça a commencé comme ça. Et vous avez fait votre apprentissage de photographe? Tout à fait, absolument. Je ne savais pas quand j'entrais dans cet immeuble, la deuxième fois, que j'allais passer toutes les nuits pendant un an et toute la nuit, chaque nuit, pour photographier ces femmes. Est-ce que vous auriez obtenu la même chose si vous n'aviez pas eu la candeur, la naïveté d'une débutante, Jane Evelyn Atwood? Je ne pense pas. Je pense que ça a marché. Parce que Blondine était qui elle était, avec une curiosité et avec une franchise et avec une générosité aussi, et aussi qu'elle était indépendante et qu'elle était française, que moi j'étais américaine, que j'avais cet accent, que je parlais à peine français et que j'arrivais avec un seul boîtier, je savais même pas qu'est-ce que c'était une flash, j'avais pas une carte de presse, surtout pas, je connaissais personne. Et que je restais, que je continuais de revenir tous les soirs, même si je pouvais pas faire des photos. Et je crois que Blondine a compris que je l'aimais vraiment. Et elle m'aimait vraiment. Et il y avait une relation qui était établie sur ça. Sur cet échange de appréciation et amour entre nous deux. Et curiosité aussi. Au début, je photographiais que Blondine. J'étais dans la rue, j'osais pas demander si je pouvais aller à l'intérieur. Et un soir, Blondine m'a dit, mais pourquoi tu viens pas me garder compagnie pendant que j'attends les clients? Et j'étais absolument ravie. Et j'entrais dans l'immeuble, j'étais assise sur l'escalier, et j'ai dit, ça y est, je suis ici, je suis où je dois être. Et je dois dire que toutes ces nuits rue des Lombards se sont devenues confortable pour moi. Et c'était le monde ailleurs, le monde dehors qui est devenu le plus étrange et où j'étais inconfortable. J'étais confortable 19 rue des Lombards. Jane Evelyn Atwood, la première partie de cette nuit se terminera avec un numéro de microfilm dans lequel Serge Danet s'entretenait avec Odile Converset en 1988. Odile Converset, spectatrice assidue de cinéma et non-voyante. Il y a une photo célèbre de Diane Arbus, jumelles identiques, dont peut-être Kubrick se serait inspiré pour son film Shining. Et il y a une photographie de vous, comme un écho à celle de Diane Arbus, de jumelles habillées à l'identique, se tenant par la main. Parlez-nous de cette photographie et du travail que vous menez avec les aveugles un peu partout dans le monde. Ben, cette photo, d'abord, des jumelles, d'abord, ce sont des triplés, au fait. Il y a un garçon, mais il est complètement indemne. Les trois enfants étaient nés prématurés, mis dans les couveuses, qui a voilé les yeux des bébés parce qu'il y avait trop d'oxygène. Et au fait, c'était un truc qui était très courant à l'époque quand j'ai fait le travail sur les aveugles. J'ai commencé en 75, je pense, 79, quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que je dis? Non, c'était après des prostituées. Donc 79. 79, voilà. Et ça a duré 10 ans, mais de temps à autre. J'ai fait, entre-temps, les Légions, la Légion étrangère et d'autres trucs, mais je retournais toujours chez les aveugles. Et beaucoup d'enfants que j'ai photographiés avaient eu des yeux voilés à cause de ces couveuses, et ils ont mis un temps fou pour comprendre que c'était à cause des couveuses et pas à cause du fait que le bébé était prématuré, que le bébé était aveugle. Et ces deux filles étaient dans une des écoles, parce que moi j'ai fait mon travail sur les aveugles principalement à travers des écoles d'aveugles. Un jour, j'avais pris un bus à Paris qui passait devant l'INJA, l'École nationale des jeunes aveugles à Duroc. Et il y avait trois hommes aveugles qui montaient dans le bus et qui s'assoient et qui descendaient à l'école. Et un jour, la ville de Paris a changé le bus et nous a donné un bus qui était pour l'aéroport. Et les premiers sièges n'existaient plus, il y avait un espace pour les bagages. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces aveugles, quand ils montent et ils trouvent pas leur siège? Et je les ai regardés quand ils montaient et ils tapaient avec leur canne, avec leurs mains, ils essayaient de comprendre la situation. Et c'était cette anecdote visuelle qui m'a intriguée et qui m'a donné l'idée de faire une histoire sur les gens qui ne voient pas. Les gens qui ne voient pas, mais qui sont condamnés à vivre dans un monde qui est fait pour nous qui voient. Et la première école où j'ai travaillé, c'était l'INJA, l'École nationale des jeunes aveugles. Et j'ai eu un entretien avec le directeur de l'école qui était totalement aveugle. Et c'était un homme extraordinaire qui était très intelligent et qui m'a écouté. Il était en face de moi, il me voyait pas. Et il me demandait pourquoi j'ai voulu photographier des aveugles. Et on a eu une conversation qui a fini d'être très philosophique. Et à un moment donné, il m'a dit que, vous savez, madame, les aveugles, nous ne sommes pas tristes, il m'a dit. C'est vous qui sont tristes pour nous. Et j'ai jamais oublié ça. Et il a dit après, mais si les yeux étaient à vendre, je paierai n'importe quel prix pour les acheter, parce que je suis oh so curieuse de savoir ce que vous voyez tous. Et bon, ça a commencé comme ça. J'ai concentré sur les enfants parce que j'ai pensé qu'il y avait un moment dans leur vie où peut-être ils se comprenaient qu'ils ne voyaient pas. Et au fait, c'était une idée dans ma tête. Les enfants aveugles apprennent à contourner les obstacles. Ce sont des enfants comme des autres. Ils trouvent un moyen de faire ce qu'ils ont envie de faire, de jouer, de faire des études, de faire n'importe quoi presque. Et oui, c'est nous qui sommes tristes pour eux, mais eux, ils ne sont pas tristes. La photographie, du point de vue du photographe, n'est-elle pas avant tout une expérience physique, sensorielle ? Ah, pour moi, c'est sûr. C'est sûr. C'est très physique. Je suis tout près des gens que je photographie. J'utilise seulement un 35 mm, un 50 mm. J'ai jamais utilisé un tel objectif de ma vie. J'ai besoin de cette intimité. Aussi, d'écouter. Écouter, c'est hyper important. C'est si important que de regarder. Ça m'a averti de quand je peux ou ne pas faire quelque chose. C'est très important. C'est moi qui bouge autour du sujet. Je place jamais mes sujets. J'arrange jamais les gens dans mes photos, sauf si c'est un portrait qui est posé, évidemment. Mais dans la plupart de mes photos, c'est moi qui va changer de position pour pouvoir arriver à faire la photo dont je pense que je dois avoir. Donc c'est très physique. Merci Genevieve Atwood. Nous allons donc écouter les archives de la première partie de votre nuit rêvée. Dans un instant, le premier volet de Je m'appelle James Baldwin, une série d'entretiens avec l'écrivain américain menée par Jean Dev pour les Chemins de la Connaissance en 1987. Les premiers pas, une beauté à couper le souffle autour des photos de Diane Arbus, une nuit magnétique proposée par Olivier Képlin en 1986. Et enfin, Odile Conversée, non-voyante, au micro de Serge Danet dans Microfilm en 1988. Nous retrouverons dans un peu plus de 2h15 pour parler de la suite de votre programme, Daniel Defer, Richard Kapuscinski et Lionel Trouillot. À tout à l'heure, Genevieve Atwood. À tout à l'heure.